Salut à toi! Tu écoutes Action Élections, un podcast proposé par Fadjet et qui t'aide à mieux comprendre les élections européennes le 9 juin prochain. Pour cet épisode, on va voir ensemble le déroulé de ces prochaines semaines, voir un peu le processus de ce qui va se passer avant cette date fatidique du 9 juin. Allez, viens, je t'explique. Dans un précédent épisode, on a vu que le Parlement européen est l'institution la plus puissante dans l'Union européenne. Et c'est donc pour cette institution que les citoyens vont en quelque sorte voter. Nous allons voter pour les députés du Parlement européen et qui vont nous représenter au niveau de l'Union européenne. Les dernières élections en date remontent à mai 2019, étant donné que celles-ci se déroulent tous les 5 ans. Pour donner quelques chiffres, en 2019, un peu plus de 403 millions de citoyens étaient inscrits sur les listes. Et cette année, il est estimé à environ 358,9 millions le nombre d'électeurs. Au niveau de l'organisation, chacun des 27 États membres de l'UE fixe ses propres règles, tant que l'élection a lieu au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel plurinominal. Ok, tu dois te dire que le terme est assez compliqué, mais en fait, c'est très simple. Ce genre de scrutin, c'est un système de vote où tu choisis une liste de candidats, et les sièges sont répartis entre les listes en fonction du pourcentage de votes qu'elles reçoivent. En France, notre pays impose que chaque parti politique doit imprimer son propre bulletin de vote, alors que d'autres pays utilisent un bulletin de vote unique pour différents partis. Et pour se faire élire, les partis français vont donc entrer dans la période de campagne électorale officielle, qui a commencé le 27 mai 2024 à minuit et se termine le 7 juin aussi à minuit. Comment tu peux le voir? Eh bien, tu vois les panneaux d'affichage de ta ville, de ton village, qui sont souvent à côté des mairies, parfois des écoles. Eh bien, depuis le 27 mai, tu peux remarquer que des affiches ont peut-être été collées sur ces panneaux, permettant aux différents partis d'afficher leurs candidats, leurs programmes. On parlait aussi, dans l'épisode d'avant, des candidats principaux. Eh bien, ces candidats en tête dans les sondages vont s'affronter, par exemple, dans un débat sur France 2 le 4 juin, l'ultime débat de la campagne. Car oui, le support audiovisuel est aussi utilisé. Il y a les débats, mais pas que, car des clips de campagne seront diffusés à la télévision, toujours en respectant l'égalité de chacun. Et la fin de cette campagne prendra lieu le vendredi 7 juin à minuit. De cette date jusqu'au 9 juin donc, ce sera la période de réserve, durant laquelle la distribution de tracts électoraux, la diffusion de sondages seront interdits. Et cela nous amène donc à cette fameuse date du 9 juin, où les électeurs pourront enfin se rendre aux urnes et voter. Alors si on résume, du 27 mai au 7 juin, tu vas beaucoup entendre parler des partis, de leurs candidats, de leurs programmes. Alors c'est le moment de continuer à écouter nos podcasts d'Action Élections, que tu peux retrouver sur fadjet.net pour continuer à te documenter sur les élections européennes. En attendant, je te dis à la prochaine pour un autre épisode.